Un joli pilon en bois, en provenance de Lettonie, qui sert donc à écraser de la matière organique, en particulier des légumes, et dans le cas du Ferment Lab, surtout du chou. Donc c'est grâce à lui que nous pouvons écraser les feuilles de chou pour en extraire le jus.